Mot interrogatif par où, par quel? Example questions. Pour aller à la tour B, par où est-ce qu'on passe? Pour aller à la tour B, par où passe-t-on? On passe par le centre commercial. Pour aller à Vanier, par quel chemin est-ce qu'on passe? Pour aller à Vanier, par quel chemin passe-t-on? On passe par le chemin de Montréal.